claque sur les rochers. C'est un endroit magnifique. On dirait que le temps s'est arrêté. Le soleil. Avec tes amis, c'était le paradis. Lâche tes filets, rappelle-toi avant, tu jouais ici quand tu étais petit. Pirate et corsaire, avec tes amis, c'était le paradis.